بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الماضي دخلنا في المنصوبات وذكرنا أنها 15 منصوبات من الأسماء، وبدأنا بأي مفعول به. ما هو المفعول به؟ الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. نعم، معك مثال؟ رأيت زيدا. نعم، رأيت زيدا. وقلنا أن المفعول به على كم قسم؟ قسمين. قسمين، ظاهر ومضمر. نعم، ومضمر كم قسم؟ ما هما؟ المتصل والمنفصل. نعم، هات مثال من المتصل. ان اكزامبل متصل اتاشي. ضربني. والمنفصل؟ يا بس حتى ايوه فقط اياك نعود واياك نستعين. نعم، لنواصل وندخل في المفعول المطلق. المفعول المطلق، مفعول مطلق اللي يتابل مطلق لان لم يتبع شيء من الوصف كالجار ومجرور أو نحوه. مفعول مطلق يسمى مفعول مطلق contrairement aux مفعولات car il y a rien qui suit le mot مفعول derrière. Par exemple مفعول به on dit مفعول به، مفعول فيه on dit مفعول فيه، on a مفعول لأجله، on a مفعول معه. فالمفعول مطلق à la base il y a rien qui vient derrière, c'est مفعول. Donc on a mis مطلق pour dire qu'il est neutre. قال المصنف في الأجرومية: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. المصدر السنس voulu par le مصدر là c'est الاسم المنصوب qui vient en troisième position lorsque l'on conjugue un verbe. Quand on présente un verbe, on te donne le masdar en troisième et il vient mansoub. Mathalan, tu cherches le mot daraba dans le qamous, dans le dictionnaire, tu vas trouver daraba, yadribu, darban. Darban, le troisième, là, c'est le masdar. Taïb. تو اكوبون لو علاقه مع مفعول مطلق. قال في شرح: من الاشياء التي تستخدمها العرب لتوكيد كلامها المصدر. والمصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. parmi les choses que les arabes utilisent pour affirmer leur parole, le masdar. Ce masdar comme on vient de dire dans l'ajrumia, c'est le mot qui va en troisième position mansoub lorsque l'on conjugue un verbe en arabe. Plutôt, lorsque l'on présente un verbe conjugué en arabe, quand tu le cherches. Taqul daraba yadribu darban, comme on a dit. Masdarun yusamma mafoulan mutlaqa. Donc là, ce masdar qui vient à la fin, là, darban, on l'appelle mafoul mutlaqa. Jalasa yajlisu julusan. Kataba yaktubu kitabatan. Qatal yaktulu qatlan. ثم قال: فالمفعول المطلق تعريفه هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظه او معناه. المفعول المطلق c'est le masdar, ce masdar-là, mansoub, qui correspond à son amil, c'est-à-dire le verbe dont il est tiré, dans ses lettres ou dans son sens. Dans ses lettres ou dans son sens. Maintenant, le lien qui est entre mazakar al-musannif fil-matan et le maqsoud maf'ul mutlaq, c'est que tout maf'ul mutlaq masdar. Wa laysa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan. Kullu maf'ulin mutlaq masdar. Wa laysa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan. Là, le compte, c'est pas le contraire. Tout maf'ul mutlaq est forcément un masdar. Et tout masdar n'est pas forcément un maf'ul mutlaq. Donc lui, t'as parlé du masdar par lequel il veut parler le maf'ul mutlaq. Et non pas le masdar mutlaqan. Comme on le connaît, qui est al-ism adal al-hadath ghayr muqtarin bizaman. Donc là, on veut le masdar, il veut parler le maf'ul mutlaq, lui. Un istilah nahwiyyin. Femta hada? Dans l'exemple, daraba yadribu darban. Daraba fil madi, yadribu fil mudali. Et darban, on va l'appeler comment là, maf'ul mutlaq? Mais quand tu dis darb tout seul comme ça, darbun, c'est un masdar. C'est pas maf'ul mutlaq. Il peut même venir à mansoub, c'est maf'ul mutlaq. Ça va venir, inshallah. Misaluhu, l'exemple de maf'ul mutlaq dans une phrase wa huna khususan aya. من كلام الله قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما traduire que Allah parle à Moussa réellement de vive voix, il a vraiment parlé. شاهدنا تكليما, c'est quoi l'irab? Irab al-aya kallama fi'l mad mabni ala fath لا محل له من الاعراب. ولفظ جلاله هنا فعل مرفوع ورمه رفعه الضمه الظاهره على اخره. موسى مفعول به منصوب ورمه نصبه الفتحه قبل هذا الفتحه ماذا؟ المقدره. احسنت. منع من ظهورها التعذر بس كو على فاد موسى سي الف احسنت تطوبلي. والتكليم هذا هو الشاهد مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه الفتحه وهو مفعول مطلق وافق عامله il a été en concordance avec son amil, son agent. C'est quoi son amil? C'est le verbe kallama. في لفظه وفي معنى, il a réuni les deux, il a regroupé les lettres du fi'l et il regroupe son sens. Je te dis مثلا ضربت زيدا ضربا, j'ai frappé زيد vraiment en fait. Ça vient c'est la sens d'okid. Ça sent le tawkid. Comme il a dit au début, que les Arabes utilisaient cela pour affirmer, appuyer leur parole. Parce que des fois, comme on dit, مثلاً, des gens, parmi les mu'attila, un exemple, dans l'aïa qu'on vient de prendre, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, ils ont fait un tahlif pour renier le kalam, m'sifatillah. Ils ont dit, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. En fait, c'est Moussa qui a parlé à Allah. Ils ont changé l'arabe. Ils ont mis Allah, yani, منصوب على التعظيم يعرف بما فعل به الموسى فاعل علامة رفعه الضمة مقدرة parce que lorsque nous leur dit وكلم الله موسى تكليما il y a pas de تأويل تكليما c'est à dire il a vraiment parlé il y a pas de majaz à faire ou quoi c'est quand le masdar vient c'est pour achever la chose telle qu'elle dans sa réalité donc ils ont fait quoi eux comme ils ont été bloqués par le maful mutlaq ils ont changé l'i'rab il leur a été répondu quand il y a eu un munakasha entre deux imams un imam du Baatil un imam de la Houda il lui a dit quand l'autre lui a dit ouais ben là en fait c'est kallama Allah Musa taklima il est tayyib wa ma taqul fi kulli azza wa jal wa iz ya Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qu'est-ce que tu dis maintenant parce que Musa est venu pour notre rendez-vous et que son seigneur lui a parlé sakat je peux rien dire wa kallamahu rabbuh là il est marfou il est fa'il rabbuh il est fa'il celui qui a parlé comment tu fais à ce moment-là tu peux plus rien faire il l'a bloqué c'est-à-dire même comme on expliquait avec la langue arabe des gens peuvent t'égarer mais d'autres peuvent te bloquer te répondre avec كذلك donc là c'est pour affirmer la chose qu'elle a vraiment eu lieu ou sa réalité ta cool qatal tu fulan qatlan si je l'ai vraiment tué par exemple tu sais en français des fois des gens ils ont des kalam ils disent oh, je l'ai tué dans le sens pas tué réellement tu vois dans le sens je l'ai fini quoi et chez les arabes tu peux trouver des termes similaires donc là pour pas qu'il y ait de leps dans le kalam les arabes utilisaient le maful mutlaq il dit qatal tu qatlan c'est pas qatal tu dans le sens je l'ai intahitu minhu c'est je l'ai tué il est mort je l'ai vraiment tué je lui ai ôté la vie comme des fois aussi on a pris dans le tawkid que des fois le fa'il qui est nommé c'est pas forcément lui qui fait l'action haqiqiyan donc le tawkid vient pour dire c'est vraiment lui par exemple ja'a masalan al-amir on dit le gouverneur est venu on avait dit c'est peut-être ses troupes qui viennent pas lui forcément les gens qu'il a délégués ja'a al-amir 'aynuhu ou nafsuhu là il est vraiment venu en personne là c'est pareil c'est pour affirmer la chose Comment ça? Non, le masdar, il est tiré du verbe. Voilà, il est tiré du verbe. Et le tawkid? Le tawkid, c'est un arme. Bah, le tawkid, ça peut être un verbe aussi. Ja'a, ja'a, zayd. Mais c'est pas un maf'oul. Et le tawkid, il n'est pas forcément mansoub. C'est un ta'bir. Là, le maf'oul mutlaq, c'est une mansoubat, une asma. Il n'est que mansoub. C'est... Ils ont un sens similaire, mais ils sont différents dans l'i'rab et dans beaucoup d'autres choses. Qala aqsam al-maf'ul mutlaq. C'est catégorie, c'est genre. Qala al-musannif fi al-ajrumiyya. Wa huwa qisman lafdhiyyun wa ma'nawiyyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdh fi'lihi fa huwa lafdhiyyun. Nahwu qataltuhu qatla. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك كي دو سورت سما فعل مطلق لفظي basé sur le terme et معنوي لفظي celui dont les lettres du masdar sont les mêmes lettres que le verbe c'est-à-dire il est tiré de ce verbe là et معنوي c'est un masdar qui est synonyme au verbe qui tient d'un autre verbe qui a le même sens que le verbe qui est employé sur Amil. Comme il va le dire. Qala fi sharh. Ah, l'exemple qu'il a donné. L'exemple qu'il a donné, on a oublié de le dire. Mathalan, qataltuhu qatla. Qataltuhu qatla. Qatla, c'est un masdar. De quel verbe? Qatala. Qatala. Donc c'est un maful mutlaq lafzi. Il est exactement tiré du verbe. Darabtu darba. Jalastu julusan. Katabtu kitabatan. Ça, c'est lafzi. Et après, il a dit quoi? Jalastu ku'udan. Al-ku'ud wa man al-julus. Mais est-ce que le Kouroul, c'est le masdor de Jalasa? Là. Donc ça, c'est un ma'naoui. Dans le sens. ثم قال في الشرح ينقسم المفعول المطلق الى قسمين كما ذكرنا اولا مفعول مطلق لفظي كما vient le dire وهو ما وافق الفعل الناصب له في لفظه ومعناه بان يكون مشتملا على حروفه مثل فرحت فرحه donc c'est celui dont le verbe c'est celui dont le verbe qu'il a rendu mansoub a les mêmes lettres que lui, comme on l'a dit. D'accord ? Son amil, kalmaful mutlok, c'est quoi son amil qu'il a rendu mansoub ? C'est le verbe. Et ce verbe-là, ce masdar est tiré de ce verbe-là. C'est les mêmes lettres qu'ils ont tous les deux. Donc, s'ils ont les mêmes lettres, ils auront forcément le même sens également. Le masdar est tiré du verbe. Par exemple, quand on dit jalasa ou le julus, c'est la même chose. Sauf que jalasa, c'est lié au temps. Et Julus, c'est pas lié au temps. Et Julus, c'est un nom. Mazas, c'est un nom. Et Jalassa, c'est un verbe. Mais c'est le sens, il est pareil. Donc, il aura, en fait, celui-là, il est lovzi ou ma'nawi en même temps. Il a les mêmes lettres et il a le même sens. L'exemple qui dit, farahtu, farhan. Dans le sens, j'étais heureux. J'étais content. Vraiment, en fait. Nous, on traduirait comme ça. On dirait un vraiment ou une chose qui appuie. فإن حروف الفعل فرحة هي نفس حروف المصدر الفرح d'accord les حروف de فرحة le ف le ر et le ح sont les mêmes lettres que dans le مصدر le ف le ر et le ح ومنه قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما le شاهد il est où تسليما تسليم c'est le مصدر de سلم يسلم تسليما Et quand tu prends du sorf, tu sauras que des fois, il y a des masdars à dire dont l'origine est un verbe, mais les lettres du masdar ne sont pas celles du, exactement celles du verbe. Ça s'appelle quoi? Un is masdar. Un is masdar. Est-ce que j'ai un exemple en tête? En fait, c'est comme si tu prenais le masdar d'un wazn, d'un verbe, pour un autre wazn. Un exemple, tu as le wazn fa'ala. D'accord? Fa'ala. Le wazn fa'ala soulasi. Trois lettres. Et tu auras un autre wazn, ça va être tafa'ala. Fa'ala, son mazdar, ça va être fi'lan, mathalan. Fa'ala, son mazdar, ça va être fi'lan. Et tafa'ala, c'est un autre wazn. Pourtant, il est tiré de l'origine de fa'ala. Le fa, il est là. Le ayn, il est là. Le lem, il est là. Mais on a ajouté d'autres lettres, qui sont le ta et le deuxième lem, ce qui apporte un sens différent. Mais là, l'origine, c'est fa'ala. Et le masdar du verbe tafa'ala, ça va être tafa'oulan. Tafa'oul. Il vient comme ça. Ça, c'est le masdar. Le masdar de tafa'ala, c'est tafa'oul. Le masdar de fa'ala, c'est fi'l. D'accord ? Mais c'est la même origine. Bah demain, tu vas utiliser tafa'ul pour fa'ala. On va appeler ça un ism masdar. Car tafa'ul, en vrai, c'est pas le masdar de fa'ala. Ils ont un lien, à la base, c'est la même origine. Mais dans le wazn, c'est pas son masdar à lui. Mais le ism masdar, d'accord, le ism masdar, il va entrer dans le même ful mutlak. Tu pourras l'utiliser pareil. Et ce sera quoi? De ce que je me rappelle, si je ne me trompe pas, ça va être un ma'naoui, c'est-à-dire qu'il y a un lofzi. C'est pas vraiment son masdar à la base, mais c'est sa même origine. Donc ça aura un même sens. Si je ne me trompe pas, normalement, il rentre dans le lofzi, c'est-à-dire. Allah a'alam. Là, j'ai un doute. Il s'appelle un is masdar. Ça sera plus dans les abwab al-sarf. Qala. Donc deuxième, maf'ulun mutlaq ma'nawi. Wa huwa ma yuwafiqu al-fi'la an-nasiba lahu fi ma'nahu dun lafdhihi. Et celui dont le verbe qui le rend mansoub a le même sens, mais il n'a pas la même lettre. ذلك بأن تكون حروف المصدر غير حروف فعله مثل قمت وقوفا أو وقوفا. Là maintenant ils ont le même sens mais des lettres différentes. Il est synonyme. قمت وقوفا. À la base c'était قمت قياما. صح؟ Ben là il a dit قمت وقوفا. فإن معنى الفعل قام ومعنى المصدر الوقوف. Car waqafa, ça veut dire également qama. Quand on dit kuf, on te dit kif, afwan. Kif, ça veut dire kum, lève-toi. Ça veut dire t'arrêter également, ça veut dire également te lever. Autre exemple, farihtu sururan. Fa inna ma'na al-fi'l fariha wa ma'na al-masdar al-surur. Al-surur, c'est la joie. Wa fariha, c'est être heureux. Sauf que surur, c'est un masdar de notre verbe. Ce n'est pas le masdar de Fariha. Après le maf'ul mutlaq, il y a d'autres abwab. Il y a d'autres abwab, on ne les prendra pas là maintenant. Là, c'est la base. Okay, il y a d'autres sens également. Il peut venir pour un tabyin, il peut venir pour un adad, pour un nombre. Il n'y a pas forcément pour un tawkid. Il peut venir pour d'autres ma'ani. Takul mathalan, un exemple je donne, darabtuhu darban shadida. Darban, c'est maf'ul mutlaq. Shadida, c'est sifa. Maf'ul mutlaq. Là, il est venu pour quoi? Pour décrire comment tu l'as frappé. Je l'ai frappé violemment. Ou ça peut être pour le nombre. Darabtuhu darbatan wahida. Je l'ai frappé une seule fois. Ça veut dire darabtu darba akada darba, pour te dire qu'en fait tu l'as fait qu'une seule fois la chose. C'est pas un tawkid là. Là c'est pour démontrer le nombre. Ça m'a fait le mutlaq. Kadhalik. Il y a une différence entre tawkid. Tawkid, c'est que ce qu'on a dit comme 900 rien, ou il y a d'autres. Tawkid, on avait vu, il y avait. Là c'est tawkid dans les tawabiyah. Là on n'est pas dans le même bab. Il y a d'autres tawkid. Il y a aussi tawkid dans ce là. Tawkid, on a fini de tawkid. Là, je te parle, le maf'ul mutlaq, il a des sens de tawkid, des sens de tabiyin, des sens de adad, des sens de wasf, la différence en sauf. Comment tu vas pas te tromper? Parce que dans le tawkid, il y a plus les tawkid, c'est pas un mansoub. Et le tawkid, c'est pas le verbe qui l'applique. Ça n'a rien à voir. Dja zaydun nafsuhu, darabtu darban. Il y a un lien entre les deux. Il n'y a pas de lien. Le tawkid, tu dis dja'a dja zayd. Il y a un os. Il y a un masdar. On a dit le maf'ul mutlaq, c'est forcément un masdar. Le tawkid, c'est autre chose. On ne confond pas les deux. On a dit il y a un sens de tawkid, ça veut dire que c'est un tawkid comme l'autre qu'on a pris. L'autre, c'est un tabi'a. D'accord? Lui, c'est un maf'ul. C'est un ism. C'est un masdar et il est mansoub. Toujours. L'autre tawkid, c'est autre chose. C'est un... il vient soit avec des termes précis. Tawkid, il y a... Ma'anawi, ou l'offre, tu répètes le mot que tu as employé. C'est un autre bab. Hadan baban mukhtalifan. Et le maf'ul mutlaq, parmi ses sens, c'est le tawkid. Il n'est pas que tawkid. Attendez, on va voir vite fait. Dans les tamarines qui sont après. Des fois, on les fait, des fois, on les fait pas. Yaqul, istakhrij al maf'ul al mutlaq min al ayat al taliya. Donc maintenant, pour le maf'ul mutlaq dans les versets suivants. Qala Allah Ta'ala wa ta'kuluna turafa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idha dukkati al-ardu dakkan dakka. Ta'kuluna turafa aklan lamma. Naam. Akla, c'est un maf'ul mutlaq. Après hubban. Hubban. Maf'ul mutlaq de tuhibbun. Mais maintenant, tu as les deux. Tu as maf'ul mutlaq. D'accord? qui a un sens de Tawkid, et après tu as un autre Tawkid. Deuxième Tawkid, c'est quoi comme Tawkid, le deuxième? Dakkan, Dakka. Lafzi. Tu répètes deux fois le même mot. Si je disais par exemple, Daratu, Darban, Darban. Ça peut être Tawkid. Kadalik. Ça sort du beb. Ça sort du beb. Comme si tu dirais, مثلا, darabtuhu, darabtuhu, darban. Là, tu as fait un tawkid du verbe. L'autre, tu as fait darabtuhu, darban, darban. Là, c'est un tawkid. Yakul taht. A'rib, kawlu ta'ala, ou kawla ta'ala, fasbir sabran jamila. Khalifa. Fasbir, donc sbir, c'est sbir plutôt. Fi'al amr. Naam. Man ya'ris sukun. La mahala lahu min al-i'rab. Sabran. Fa'il lahu. مستتير مستتير تقدره أنت نعم تقدره أنت صبرا فصبر صبرا على نقول مطلق من صبر نقول مطلق منصوب منصوب بالفعل منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وجميلة يعني صفة نعم أحسنت مفعول لا صفة منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة على آخره نعم صفة المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أحسنت خلاص هذا الذي أخذنا اليوم مفعول مطلق Donc attention, ne confond pas que les Tawkid, parce qu'on a dit qu'il y a un sens de Tawkid, c'est un beb totalement différent de l'autre. Non. Fa'ilahuna, walhamdulillah rabbil alamin.